Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc on avait vu donc les fois précédentes, on a parlé, on va parler du le jugement selon la raison, et si on a le temps on parlera aussi du tabarruk, chercher les bénédictions comme c'est la période de l'Hajj. Donc alors qui peut me citer le jugement selon la raison? Jugement selon la raison. Oui. Ils sont de trois catégories. Voilà. Ce qui est possible, ce qui est obligatoire et ce qui est impossible. Très bien. Donc le jugement selon la raison. Donc la raison, on rappelle déjà, c'est quoi la définition de la raison? C'est le fait déjà d'être sain d'esprit. On va y avoir la raison. Donc la raison, c'est une caractéristique que Dieu a créée dans l'être humain. Dans trois créatures qui sont les humains, les djinns et les anges. Voilà, et trois créatures qui ont une âme, une raison. Ces trois créatures qu'on appelle esclaves de Dieu. Par exemple, les animaux, on ne dit pas esclaves de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la raison. D'accord ? Ibadullah, c'est les humains, les anges et les djinns. C'est les trois qui ont une âme, une raison. Donc la raison, donc, c'est une caractéristique que Dieu a créée dans l'être humain, par laquelle il distingue le vrai du faux. Donc avec la raison, tu sais que ça, c'est plus grand que ça. C'est avec la raison. Donc la moitié de 2, c'est 1. C'est avec la raison. D'accord ? Donc maintenant, qui peut citer une ayah qui montre que l'importance d'utiliser la raison ? Donc la raison par rapport à la religion, qu'est-ce qu'on dit, la raison par rapport à la religion ? C'est un témoin de la vérité. Très bien. Très bien. Donc, on l'a déjà fait apparemment, c'est très bien. C'est bien de réviser. Donc la raison est un témoin. C'est pas la base. La base de la religion, c'est quoi ? Le Coran et le Hadith. Donc la raison est un témoin. Ça veut dire quoi un témoin alors ? Ça veut dire qu'il témoigne de la vérité de la religion, et ça veut dire quoi aussi ? Que tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Donc c'est important cela, maîtriser la raison. Donc on a vu les grands savants, ils citent cela. Donc qui commencent leur traité en expliquant le jugement sans la raison. C'était un grand savant très connu en Afrique du Nord. Et donc dans l'Afrique, on dirait qu'on est connu, ce savant, il cite dans l'introduction de son livre « Jugement selon la raison ». Pour montrer que c'est l'importance de cet enseignement-là, en fait. Comment il s'appelle ce savant ? Il s'appelle... Donc, le savant, il est enterré au Maroc, en fait. Il s'appelle Ibn Hashr. Abdul Wahid Ibn Hashr. Son livre, il s'appelle « Al-Murshid ibn Mu'in al-Daruri min al-Umiddin ». C'est en poésie arabe. Il parle de la croyance, de la prière, de la purification. Il commence par le jugement selon la raison. Donc vous voyez, c'était enseigné dans les grandes mosquées musulmanes. Donc ça, c'est l'enseignement des grands savants. Parce que quelqu'un qui maîtrise la raison, vraiment... Et donc il a la balance et puis l'épreuve pour défendre la religion, pour ne pas tomber dans le piège des gens égarés. Parce que quand on connaît le jugement sans raison, on sait que tout ce qui est dans le Coran et le Hadith ne contredit pas la raison. Parce que la raison est une preuve. Donc maintenant, les ayahs. Quels sont les ayahs qui montrent l'importance de la raison ? Qui peut me rappeler des ayahs ? Nous avons entendu. Si nous avions écouté ou raisonné. Ou raisonné, voilà. Et ça, c'est les gens d'enfer qui disent ça. En fait. Dans quelle surat ? Non, surat al-Mulk. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Enfin, ouais. Donc ça, c'est une preuve à retenir. Ouais, surat al-Mulk. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et aussi la ayah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. De la terre, changement du jour et de la nuit, il y a des preuves. La création des cieux et de la terre, dans le changement du jour et de la nuit, créateur, il a créé tout cela. Il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Et rien n'a de ressemblance avec lui. On ne peut pas l'imaginer. Donc la raison est une preuve. Si quelqu'un, si on rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ce hadith-là, il a un sens qui contredit la raison. Donc forcément, il faut l'interpréter. Ça, c'est une règle. S'il a un sens apparent qui contredit la raison, nécessairement, il faut l'interpréter. Mais s'il n'a pas de... On ne peut pas l'interpréter, ça veut dire forcément, ce n'est pas un vrai hadith. Parce que le prophète ne dit pas une chose contraire à la raison. Donc ça, c'est la règle. Vous voyez, c'est facile. Quand on suit les règles, c'est facile. Quand il y a les hadiths non explicites, ou les ayahs où il cite fissama, le terme fissama, nécessairement... Les savants ils disent on ne peut pas prendre le sens apparent. On ne peut pas dire que Dieu est dans le ciel. Parce que ça contredit la raison. Et le Coran ne contredit pas la raison. Donc forcément, ça a un autre sens. Et si on regarde dans la langue, ça a des sens. Fissama, c'est utilisé pour dire l'imminence. Même dans certains dialectes, en Afrique du Nord, ils l'utilisent pour dire fissama, l'élévation au degré. Donc quand on dit... Dans les hadiths, où il est cité Fissama, dans le Coran, au sujet de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu habite le ciel. Parce que celui qui habite le ciel, il a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme et cette quantité. Ils ont interprété Fissama, c'est-à-dire l'élévation. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est très facile la religion. Mais celui qui ne suit pas, il s'égare facilement. Ou il est cité, par exemple, le mot Wajh ou Yad, au sujet de Dieu. Tous les grands savants, les vrais savants sunnites, ils disent yad, c'est forcément, ça ne veut pas dire forcément, ça ne veut pas dire organe. C'est forcément un sens digne de Dieu. Parce que l'organe, c'est impossible, s'agissant de Dieu. Celui qui a un organe, c'est une créature. Donc yad, ils ont dit, dans la langue arabe, si on regarde, ça a le sens de puissance. Donc ici, ça veut dire la puissance de Dieu. Le Bukhari, il explique wajh, au sujet de Dieu, ça veut dire la souveraineté de Dieu. Mulk. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. D'accord ? Donc la raison. Est un témoin de la religion. La raison est un témoin de la religion. Comme on sait dans l'islam, quelqu'un qui n'a pas la raison, il ne rend pas des comptes. C'est-à-dire s'il n'avait pas la raison depuis qu'il est petit, avant la puberté. Dans le hadith, il y a un hadith qui dit Rufi'a al-qalam an thalath, an na'imi hatta yastayqir, wa an al-sabi hatta yahtanim, wa an al-majnouni hatta ya'qil. C'est-à-dire la responsabilité est levée pour trois, pour celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, pour l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et ça nous montre que la raison est prise en compte dans la religion. Vu que celui qui n'a pas la raison, ben, il n'y a pas de prière à faire, ni rien, il n'a pas la raison. Donc ça c'est logique que la raison est une preuve et elle est prise en compte dans la religion. Donc il n'est pas permis d'interpréter le Coran ou le Hadith parce qu'il contredit la raison. Ça c'est une règle chez tous les savants. Donc le Coran et la parole du prophète ne contredit pas la raison. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Il y a des gens, ils philosophent, des fois ils ont un titre de docteur. Il te dit, ah, donc si ça arrive que le Coran contredit la raison, on va faire ceci ou cela. Et ça, c'est une stupidité. La raison, c'est Dieu qui a créé. Donc le Coran ne contredit pas la raison. Donc vous voyez, et la parole du prophète ne contredit pas la raison, c'est impossible. Donc, on a parlé des jugements selon la raison. Voilà, il y a, on a dit, trois, qui est obligatoire. Ce qui est impossible et ce qui est possible. Ce qui est obligatoire, ce qui est impossible et ce qui est possible. Donc les trois jugements selon la raison. Obligatoire, possible et impossible. Alors, on a dit l'obligatoire c'est quoi? Voilà. Si le monde, les créatures, l'univers, leurs différences, c'est forcément il y a un créateur. L'existence de Dieu est obligatoire selon la raison. D'accord? il est obligatoire selon la raison que la moitié des deux c'est un. C'est obligatoire que la partie d'une chose soit plus petite que toute la chose. C'est obligatoire selon la raison. Donc vous voyez, l'islam donc fait que la personne raisonne correctement. Et ça, bon, justement, c'est très intelligent. La partie d'une chose, c'est forcément plus petit que toute la chose. Ça, c'est selon la raison. Donc, vous voyez, c'est facile. Mais le seul être dont l'existence est obligatoire selon la raison, c'est Dieu. Le seul être dont l'existence est obligatoire selon la raison, c'est Dieu. L'existence de Dieu est obligatoire selon la raison. Donc, ce monde est une preuve de son existence. D'accord ? Car, donc il y a la preuve, bien sûr. C'est important de connaître la preuve. Donc c'est un devoir de connaître la preuve minimale. La preuve de base, selon la raison, que ce monde est un créateur, c'est un devoir de connaître la base de cette preuve. Alors, qui peut donner la preuve en résumé, selon la raison, que ce monde est un créateur? La preuve de base, c'est un devoir de la connaître. La preuve détaillée, c'est pas un devoir sur chacun. Il y a la preuve détaillée et la preuve de base. Ils ont dit, les savants de l'islam, ils ont dit, si quelqu'un, il croit qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Mohammed est le messager de Dieu, et il ne doute pas de cela, il est musulman croyant. Mais le fait qu'il ne connaît pas la preuve de base, il a un péché. Le fait qu'il ne sait pas les 13 attributs, c'est un péché. C'est un grand péché. Mais ça ne fait pas de lui un mécréant. Du moment qu'il ne doute pas d'un de ses attributs. Vous voyez la nuance? Il n'a pas appris les détails du Mortasar, etc., de ce qu'on apprend. Il est musulman quand même, mais désobéissant. Le fait qu'il n'a pas appris, parce qu'aussi il risque de s'égarer. Du moment qu'il croit qu'il n'est de Dieu que Dieu, Mohammed est le messager de Dieu, il est musulman. Mais s'il doute une des bases de la croyance musulmane, il s'égare. Et c'est un devoir de connaître la preuve de base. Alors, c'est qui peut me donner une preuve selon la raison que ce monde est un créateur? Chaque acte a besoin d'un auteur. Ouais. Voilà. Preuve en résumé. Donc, de dire. Donc, en fait, de dire tout ce qui change a besoin de qui le fait changer. Et donc, le monde change. Donc, forcément, le monde a besoin de qui le fait changer. Tout simplement. Donc de dire deux phrases, une troisième de synthèse. Donc tout ce qui change a besoin de qu'il a fait changer, et le monde change, donc forcément a besoin de qui le fait changer. Et c'est Dieu. Toute chose qui est limitée a besoin de qui l'a limitée, et donc on voit que ces différentes créatures sont limitées, forcément elles ont besoin de qui leur a donné cette quantité. Selon la raison, le monde aurait pu ne pas exister. Il est équivalent le fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas, du point de vue de la raison. Donc il a besoin de qui l'a caractérisé par le fait d'exister au lieu de ne pas exister. C'est Dieu. D'accord? Le soleil aurait pu se lever de l'autre côté. Il aurait pu avoir une autre forme, une autre couleur. Il aurait pu ne pas avoir de soleil. Donc forcément, s'il existe, c'est qu'il y a un créateur. En fait, le fait que les créatures font partie du possible selon la raison, la troisième catégorie, c'est le possible. Le possible, c'est le fait, c'est ce qui admet l'existence après néant, l'anéantissement après existence. Le fait qu'elles font partie du possible, elles ont besoin de qui les a spécifiées par un des deux états. Donc les créatures admettent le fait d'exister ou de ne pas exister, d'exister à une époque ou une autre, d'avoir telle caractéristique ou une autre. Forcément, elles ont besoin de qui les a spécifiées. Et c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui spécifie toute chose par sa volonté éternelle qui ne change pas. Donc il n'y a pas un grain de poussière qui bouge sans la volonté de Dieu. Il n'y a pas un grain de poussière qui bouge sans la volonté de Dieu. C'est impossible. Donc on a vu ce qui est obligatoire selon la raison, ce qui est possible selon la raison. Donc on a vu l'obligatoire, c'est ce qui n'admet pas n'admet pas le néant, n'admet pas la négation. Et le seul être dont l'existence est obligatoire selon la raison, c'est Dieu. Le seul être dont l'existence est obligatoire selon la raison, c'est Dieu. Mais on dit, on peut donc affirmer l'obligation de la raison pour d'autres choses, mais le seul être dans l'existence obligatoire sans la raison, c'est Dieu. Donc on dit la moitié de 2, c'est 1, c'est obligatoire sans la raison. La partie d'une chose, c'est forcément plus petit que toute la chose, c'est obligatoire sans la raison. Donc, il y a une troisième catégorie, c'est quoi? Ce qui est impossible sans la raison. L'impossible sans la raison, c'est ce que... Donc, n'admet pas la confirmation, n'admet pas l'existence selon la raison. Donc, là, par exemple, il est impossible sans la raison l'associer à Dieu. Ça, c'est impossible sans la raison. Les attributs des créatures, la forme, la couleur, la quantité, l'anéantissement, c'est impossible, c'est l'action de Dieu. Donc, l'impossible n'admet pas l'existence, n'admet pas la confirmation. Par exemple aussi, d'autres exemples d'impossible sans la raison. Alors qu'il peut me donner la réunion de deux choses opposées est impossible sans la raison. C'est de l'absurde, c'est impossible. Un objet ne peut pas être en mouvement et immobile à la fois. C'est de l'impossible. C'est-à-dire c'est de l'absurde. Quelqu'un ne peut pas être mort et vivant à la fois. C'est une chose et son inverse en même temps, c'est de l'absurde. Donc ça c'est important. Rendre possible l'impossible, c'est de la mécréance. D'accord ? C'est de l'absurde. On ne peut pas rendre possible ce qui est impossible. Si quelqu'un il affirme une phrase dans laquelle il rend possible ce qui est impossible, donc c'est de la mécréance. Bah si, le fait de, donc, d'attribuer à Dieu un associé, ou le Fils, ou la forme, ou la couleur, ou la quantité, c'est rendre possible, c'est l'impossible. Parce que celui qui a une forme, une couleur, une quantité, a besoin de qui lui ait donné cette forme, cette couleur, cette quantité. Donc il ne veut pas être Dieu. L'associer à Dieu, c'est impossible. Donc il y a la preuve détaillée de dire si, les savants disent, s'il y avait deux créateurs, chacun, il aurait une volonté. Et c'est-à-dire qu'il est possible leur divergence sur une chose. Parce qu'ils ne sont pas contraints. Parce que s'ils étaient contraints, ils ne seraient pas Dieu. Du moment qu'il est possible leur divergence sur une chose, si l'un d'eux aurait voulu à X d'être mort et l'autre lui aurait voulu d'être vivant, la réunion de deux volontés opposées est impossible. Et si les deux volontés ne se réalisent pas, celui dont la volonté ne se réalise pas, il n'est pas Dieu. Et si la volonté de l'un se réalise et pas de l'autre, celui dont la volonté ne se réalise pas, il n'est pas Dieu. Donc, ça mène au fait que c'est impossible qu'il y ait deux créateurs. C'est la preuve qu'ils ont détaillée, les savants. Bon, on a besoin de la répéter plusieurs fois pour la comprendre. Mais ils l'utilisent dans ce cas-là, c'est si. Donc ça, c'est des preuves importantes qu'on a besoin. Parce que le fait de défendre la religion, c'est fait partie des obligations. C'est une arme. Des preuves, c'est une arme. La science, c'est une arme. Le fait qu'on a les preuves pour défendre la religion contre les gens égarés. Parce que les gens égarés, ils se réclament de la religion, de l'islam. Donc, il est impossible que Dieu ait un associé. D'accord ? Donc, rendre possible l'impossible est de la mécréance. Donc, si quelqu'un, il attribue à Dieu l'associé, ou la ressemblance, ou le mouvement, les mobilités, il a rendu possible ce qui est impossible. Ou, il y a des gens, ils vont dire Dieu, ils vont dire, donc ça rentre dans cette règle-là, ils vont dire que Dieu est il peut être dans le ciel ou sur une mouche ou des choses comme ça. Ça, c'est rendre possible l'impossible. Rendre possible l'impossible, c'est de la mécréance. Parce que la localisation, la quantité, le changement est impossible s'agissant de Dieu. Et l'impossible n'admet pas l'existence. Donc, c'est pas valable qu'il existe, tout simplement. Donc, c'est pas valable qu'il existe. Donc, de là, c'est important de savoir que quand on dit Dieu est tout puissant sur toute chose. Quand on dit Dieu est tout puissant sur toute chose, ça veut dire ici toute chose ça vise ce qui est possible selon la raison. C'est ça que ça vise. Parce que qu'est-ce qui admet l'existence? Parce que Dieu par sa puissance il crée l'anéantie. Qu'est-ce qui admet l'existence? C'est ce qui est possible selon la raison. D'accord? Donc par sa puissance il crée l'anéantie. D'accord? Donc par sa puissance, il crée et l'anéantit. Donc la puissance de Dieu concerne le possible selon la raison. La puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Ça, c'est à retenir. La puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Parce que par sa puissance, Dieu crée et anéantit. La puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Les savants, ils ont donné un exemple. Ils ont dit, par exemple, on ne dit pas est-ce que le mur il est intelligent ou il est stupide. On ne dit pas qu'est-ce que le mur il est intelligent ou stupide. Ça ne se dit pas. Pourquoi? Parce que le mur n'est pas concerné par la stupidité ni l'intelligence. Parce que le mur n'est pas vivant. Donc il n'est pas concerné par la stupidité et l'intelligence. On ne dit pas est-ce que la pierre elle est intelligente ou elle est stupide. Ça ne se dit pas. D'accord? Pourquoi? Parce que la pierre n'est pas concernée par la stupidité ni l'intelligence. Donc, là, l'impossible n'admet pas donc l'existence. L'impossible n'admet pas l'existence. Et l'obligatoire n'admet pas le néant. L'obligatoire n'admet pas le néant et l'impossible n'admet pas l'existence. Donc, c'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. C'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Il n'admet pas l'existence ni le néant. Donc l'obligatoire n'admet pas le néant et l'impossible n'admet pas l'existence. Donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc on dit la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. La puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Donc vous voyez la réponse. Si les gens, on peut rencontrer des gens qui disent des bêtises et ils vont dire Dieu, il est capable d'avoir un fils, ou d'être quelque part, ou de se transformer en vache, ou de s'anéantir, ou de créer un autre Dieu. Tout ça, c'est rendre possible l'impossible. Rendre possible ce qui est impossible. Donc, la réponse de dire, l'impossible n'admet pas l'existence. Donc, il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc, vous voyez la réponse intelligente. Comme l'exemple de la pierre. Il n'est pas intelligent de dire non, elle est stupide ou elle est intelligente. C'est pas intelligent. La réponse correcte, c'est de dire elle n'est pas concernée par la stupidité ni l'intelligence. Donc vous voyez, pourquoi ils donnent cet exemple, les savants? C'est comme quelqu'un qui fait du sport, il s'échauffe les muscles. Il donne un exemple, en fait, pour habituer la personne à réfléchir, à avoir la bonne réflexion. Il donne un exemple simple avant de donner. Parler des choses délicates quand on parle de Dieu. Ça, c'est les savants qui donnent cet exemple. Donc, l'anéantissement s'agissant de Dieu, ou l'associé, ou la localisation, tout ça, c'est de l'impossible selon la raison. Et l'impossible n'admet pas l'existence, donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc, vous voyez, c'est important d'apprendre les termes donc corrects. Pour savoir donc et s'exprimer correctement et défendre la religion. Donc la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Est-ce que c'est clair? Donc on répète, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. L'obligatoire, l'impossible n'admettent pas l'obligatoire et l'impossible. En fait, on dit n'admettre pas l'entrée en existence. L'obligatoire n'admet pas l'entrée en existence. C'est-à-dire, Dieu, son existence est obligatoire. C'est-à-dire, l'entrée en existence, ça veut dire exister après ne pas avoir existé. Or, Dieu, son existence est obligatoire. Il n'est pas précédé par le néant. Donc, l'obligatoire n'admet pas le néant et l'impossible n'admet pas l'existence. Donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu ne concerne pas l'obligatoire ni l'impossible. D'accord? Donc il y avait quelqu'un, donc on l'a déjà cité l'exemple, il y avait quelqu'un, il ne connaissait pas ces détails-là, et donc il est tombé dans le piège avec un prêtre, il lui a dit Dieu est tout puissant, donc il peut avoir un fils. Et là il s'est bloqué. Un vrai musulman, même s'il ne connaît pas, va dire Dieu n'a pas de fils. Il s'arrête là. Même s'il n'a pas le détail pour argumenter, pour contrer, mais il dit Dieu n'a pas de fils. Il s'arrête là. Voilà un vrai musulman. Dieu n'a pas de fils. Il est unique, il n'a pas d'associé. Il s'arrête là. Quelqu'un qui a les preuves plus, il va argumenter comme on l'a dit. le fils implique la partition, comme il a, le prophète il a débattu avec des chrétiens comme ça. Le fils implique la ressemblance, c'est ce qu'il leur a expliqué le prophète. Donc le, et celui qui donc ça implique la partition, la quantification. Celui qui est partitionné et quantifié, c'est forcément a besoin de qui lui a donné cette quantité, cette partition. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc le fils, son Dieu est impossible sans la raison. L'impossible n'admet pas l'existence. Donc, voilà, ça c'est celui qui a la science, il va argumenter. Mais à un musulman de base, en vrai, il va dire Dieu n'a pas de fils. Mais celui qui est égaré, il veut se montrer alors qu'il ne connaît pas, il tombe dans le piège. Comme un homme connu, soi-disant, il débat avec des chrétiens, mais il a dit plein d'égarements. Il lui a dit, ah oui, il peut. Il a dit, il peut, mais il ne fait pas. Le fait qu'il a dit Dieu peut avoir un fils, c'est de la mécréance. Il a rendu possible ce qui est impossible. Donc on ne dit pas, il ne peut pas, parce qu'on n'attribue pas l'incapacité à Dieu. Mais on dit, la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible, tout simplement. Ça ne veut pas dire que Dieu est incapable, vous voyez. Mais cette chose n'admet pas l'existence, donc elle n'est pas valable qu'elle soit concernée par la puissance de Dieu. On ne peut pas dire, Dieu peut faire qu'un objet il bouge pas en même temps. C'est de l'absurde. C'est de l'absurde. Hein. Il bouge, ça veut dire qu'il est par définition, en d'autres termes, qu'il bouge, ça veut dire... Il n'est pas immobile. Et immobile, ça veut dire donc l'inverse de donc mobile, tout simplement. Donc vous voyez, on ne tombe pas dans l'absurde. Donc vous voyez, l'islam, donc c'est la voie de vérité. On ne tombe pas dans l'absurde. Donc c'est impossible, le fils s'agissant de Dieu. Et la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. Parce que l'impossible n'admet pas l'existence, donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Parce qu'en fait, s'il était concerné par la puissance de Dieu, il ne serait pas impossible. Donc vous voyez, comme ceux qui disent, par exemple, tu dis, il dit une question stupide. Et tu dis, ils disent est-ce que Dieu est capable de créer un autre Dieu? Mais celui qui crée, il n'est pas Dieu, déjà, donc c'est de l'absurde. Celui qui a un début, il ne peut pas être Dieu, c'est de l'absurde. La puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible. Et puis l'associer à Dieu est impossible. Donc vous voyez déjà la stupidité de la question qui peut faire tomber dans le piège celui qui ne connaît pas. Vous voyez, l'islam, ça rend très intelligent. Les savants, ils ont un très haut niveau de connaissance. Vous voyez, donc déjà là, ça, le fait d'essayer de comprendre, ça pousse à réfléchir, à raisonner. Et malheureusement, c'est rare des profs comme ça. Donc, dans les mosquées, ils leur donnent des choses superficielles souvent. Comme tes muscles, si tu n'entraînes pas, ils s'affaissent, etc. Alors que, pareil, la raison, si tu n'entraînes pas, donc le fait d'écouter, de raisonner, donc ça rend intelligent, ça maintient ce niveau-là, l'islam. Donc tu t'égares pas. Voilà, des preuves claires. Et les gens qui n'ont pas cette connaissance, tu dis, ah oui, il y a un hadith, il dit ça, ou il y a dans le Coran, il dit ça, après il dit une bêtise. Attends, le Coran ne dit pas une chose contraire à la raison. Toi, tu prétends que c'est dans le Coran. Souvent, ils citent des phrases en français. Et puis, ils disent que c'est le Coran ou le Hadith. Déjà, on leur dit, le prophète, il parle pas l'arabe. Puis, ce que tu dis, ça contredit la raison. Donc, c'est faux complètement. Le prophète, il parlait pas le français. Et puis, ce qu'il dit, le prophète, en arabe, c'est un sens. Un vrai sens. Conforme à la réalité. Donc vous voyez l'importance de la science de la religion est une lumière qui illumine le chemin. Et c'est pour ça que dans le Coran c'est dit « Wa qul rabbi zidni ilma » dit « Allah augmente ma connaissance ». C'est dit dans le Coran, vous voyez. Et le prophète il dit « La yishma'u mu'minun khayr yasma'u hatta yakuna muntahir al-jannah » c'est-à-dire le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Donc il y a beaucoup de récompenses. On voit l'importance. Pourquoi le prophète il dit si tu vas, tu apprends un chapitre de la religion, tu auras plus de récompenses que 1000 raka. Parce que quand tu apprends ça, ça te sauve toute ta vie. Donc vous voyez là le degré d'importance. Le prophète, il est rentré dans une mosquée, il y avait deux groupes. Il y en a, ils faisaient l'évocation de Dieu. Il y a un groupe qui faisait un dars, un cours sur la religion. Le prophète, il s'est assis avec le cours. Il a dit, les deux c'est bien, mais ça c'est mieux, il a dit. Le cours c'est mieux. Et dans une version, il a dit, ça c'est mieux, moi j'étais envoyé en tant qu'enseignant. Innama bu'ithtu mu'allima, il a dit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rabaisser l'enseignement, l'apprentissage. Donc dans l'islam, on n'a pas le droit de rabaisser l'enseignement, que ce soit de l'islam ou des choses utiles. Des choses utiles comme apprendre les langues. Dans l'islam, c'est utile. Il ne faut pas se moquer d'apprendre les choses utiles. Même menuiserie, médecine, architecture. Parce que l'islam pousse, donc, incite d'apprendre les choses utiles. Mais bien sûr, le plus important, c'est ce qui permet de pouvoir répondre après la mort. C'est le plus important de tout ça. Dans toutes ces sciences, le plus important, c'est la croyance, la pratique. Comment obéir à Dieu correctement, c'est le plus important. Après, il y a les sciences dans l'islam obligatoires d'ordre communautaire. C'est obligé chez les musulmans de maîtriser la médecine, les choses utiles, même fabriquer les choses dont les musulmans ont besoin. Ça, c'est obligé, les choses utiles. Donc, ça, c'est une obligation d'ordre communautaire. Mais les choses de base, la croyance, la prière, ça, c'est une obligation sur chacun. C'est là que tu vas rendre des comptes sur ça. Donc la meilleure voie, donc, c'est la voie de l'islam. Dans tout. Dans tout, la meilleure voie, c'est l'islam. C'est la voie que Dieu a révélée aux prophètes. Alayhi wasallam, tous les prophètes. Tous les prophètes, Dieu leur a révélé cette voie-là. Pour tous les sujets, la meilleure voie, c'est l'islam. Pour tous les sujets. Pour cette vie, pour l'au-delà. Pour cette vie, dans l'au-delà, c'est la voie des prophètes. La meilleure voie, c'est la voie des prophètes. On ne peut pas avoir une meilleure voie que celle des prophètes. Que la loi de Dieu. Donc on résume ce qu'on a vu. Donc, voilà. Donc, on finit avec le résumé de ce qu'on a vu. On a dit, la raison est une caractéristique que Dieu a créée. Donc quelle créature on a dit? Trois créatures qu'on appelle esclaves de Dieu, ibadullah. C'est qui ces trois créatures? C'est les humains, les djinns et les anges. Voilà, les humains, les djinns et les anges. Bon, les anges, eux, ils font que ce que Dieu ordonne. Donc vous voyez, dans les anges, Dieu n'a pas créé l'envie. Il n'y a pas l'envie dans les anges. Ils n'ont pas envie de manger, de dormir. Ils ne se fatiguent pas, les anges. Donc ça nous montre que c'est Dieu qui crée les caractéristiques. La faim, la sensation de faim, la tristesse, le mouvement, l'immunité, la pensée, la fatigue. Tout est créé par Dieu. Il n'y a que Dieu qui crée les choses, qui fait passer les choses d'une vie en existence. Tout. Chaque instant est créé par Dieu. Donc les anges, ils ne mangent pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne se fatiguent pas, ils font tout ce que Dieu ordonne. Dans les humains et les djinns, il a créé des envies. Donc, dans les animaux aussi, la faim et tout ça. Sauf que ils n'ont pas la raison, les animaux, donc ils ne rendent pas des comptes. Alors, nous, on a la raison. Donc, et on a vu le jugement sur la raison se divise en trois. Ce qui est obligatoire, ce qui est impossible, ce qui est possible. Vraiment, maîtriser ça, c'est très très important. Donc, l'obligatoire, c'est ce qui n'admet pas le néant. Donc, on a vu, obligatoirement, la moitié de 2, c'est 1. La moitié de 10, c'est obligatoirement 5. Donc, les savants, ils divisent même, ils disent, le jugement peut être évident ou par déduction. La moitié de 2, c'est 1, c'est évident. Mais, par exemple, de dire, c'est un exemple donné par les savants, le quart du dixième de 40, c'est égal à 1, c'est obligatoire, mais après déduction. Tu as besoin de réfléchir. Le quart du dixième de 40 est égal à 1. Quart du dixième de 40, ça veut dire quoi? 40, tu divises par 10, tu divises par 4, est égal à 1. C'est ça que ça veut dire, le quart du dixième de 40. En 40, tu divises par 10, ça fait 4. 4, tu divises par 4, ça fait 1. C'est obligatoire, mais après déduction. Il n'y a pas une autre solution. 40 divisé par 10, après tu divises par 4, c'est égal à 1. Donc ça veut dire le jugement peut être évident ou pas déduction. Le seul être, on a dit, dont l'existence est obligatoire selon la raison, c'est Dieu. L'impossible, c'est ce qui n'admet pas l'existence. L'associer à Dieu, les attributs des créatures, c'est impossible s'agissant de Dieu. la réunion de deux choses opposées, impossible sans la raison. Donc, et le possible, c'est ce qui admet l'existence et le néant. Donc la puissance de Dieu, qu'est-ce qui est concerné par la puissance de Dieu? Le possible. L'impossible n'est pas concerné parce qu'il n'admet pas l'existence. Et l'obligatoire n'admet pas le néant. Donc ça, c'est des choses claires. Mais en révisant et en répétant, la personne assimile mieux. Donc, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible sans la raison. Donc, il n'est pas permis de rendre possible ce qui est impossible. D'accord ? Il ne rend pas possible ce qui est impossible. D'accord ? Par exemple, on a dit, l'autre fois, on ne dit pas retour dans le passé. Parce que le passé n'existait plus. Et le futur n'existait pas encore. Le passé n'existait plus, le futur, on ne peut pas dire voyager vers le futur. Le futur n'existe pas encore. C'est la métrance. Si quelqu'un y croit que il peut. C'est pas il croit, mais s'il le dit, sans une croyance. Bon, après, ça dépend ce qu'il comprend, lui. Là, c'est autre chose. La mécréance serait s'il croit que le passé lui-même revient. Lui-même. Mais s'il croit qu'on. Donc, que la même situation peut être créée, oui. Dieu est capable, tout puissant, il peut créer la même situation. Mais ce qui n'existe plus, n'existe plus. La chose elle-même qui n'existe plus, n'existe plus. D'accord ? D'accord ? C'est ça le danger. S'il croit que la chose elle-même, elle revient. S'il croit qu'une situation pareille, tout puissant, pour créer la même situation. Exactement. Exactement, exactement. Ça, c'est lui qui crée. D'accord ? Et le futur n'existe pas encore. Et donc celui qui croit qu'il va en futur, là, c'est la méfiance. Mais s'il croit que Dieu crée la même situation qui va exister, comme le prophète, il a dit, il y aura telle chose, etc. Mais le futur lui-même, ce qui va venir, n'existe pas encore. Chaque instant, c'est créé par Dieu. D'accord ? Chaque instant est créé par Dieu. Et les instants sans fin au paradis ou en enfer sont créés par Dieu. Oui, donc ça montre la parfaite puissance de Dieu. Ça montre la parfaite puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on médite sur les créatures, mais pas sur le Créateur. Quand tu médites sur les créatures, ça indique la parfaite puissance de Dieu. Quand tu vois des petits insectes, comment ils font, etc., ça indique la parfaite puissance de Dieu. Donc vous voyez l'importance de ces règles-là. Parce que surtout, à notre époque, déjà, les savants, ils mettaient en garde. On a vu dans les cours précédents, comme Nawawi et tout ça, plus de 500 ans, ils mettaient en garde contre l'apostasie, la mécréance. Ils donnaient des exemples des choses qui arrivent. Que dire de nos jours? C'est plus encore. C'est alors, à l'époque, ils mettaient en garde et tout ça. Que dire maintenant? C'est encore plus. Les gens, ils savent pas qu'il y a l'apostasie, ou il y a des gens, ils se font passer pour des chers, ils disent l'apostasie n'existe pas. Il y a des gens, ils te disent Dieu existe sans endroit, ils ne ressemblent pas aux créatures, mais ils te disent l'apostasie n'existe pas. Donc ça contredit l'enseignement du prophète et les preuves nombreuses qu'on a vues. Donc, comme on a vu, le possible, donc ce qui admet l'existence est néant, et il n'est pas permis de rendre possible ce qui est impossible. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad wa alameen. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصل على سيدنا محمد وعلى آله واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات